إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5, une explication du livre Fadl al-Islam. Et on est arrivé aujourd'hui dans un nouveau chapitre dans le livre. Et le titre de ce chapitre, c'est « Babun Tafsirul Islam ». Babun Tafsirul Islam. C'est-à-dire un chapitre au sujet de l'explication de l'islam. Qu'est-ce que ça signifie l'islam? Et donc, on commence avec le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce livre. Et le verset en question, c'est le verset 20 dans Surat Al-Imran. Il dit: وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie: alors, s'ils veulent argumenter avec toi ou disputer avec toi, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs ou les autres qui ne sont pas musulmans, ils veulent te poser des questions. Hein, et ils veulent argumenter avec toi, débattre avec toi, dis-leur que tu as soumis ton visage, donc dis-leur, ô Mohammed, j'ai soumis mon visage à Allah, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Donc maintenant le chef, il va expliquer le titre du chapitre et le verset, et après on va continuer avec les autres textes qui sont mentionnés dans le chapitre. Donc le chef, il dit « Babun tafsir l'islam ». بعدما أورد الأبواب السابقة في الحث على الإسلام والدخول فيه والتمسك به أراد أن يبين ما هو الإسلام لأن كونك تمدح الشيء ولا تبينه لا يحصل المقصود فلا بد أن يبين أو فلا بد أن يبين ما هو الإسلام لكي لا يدعى أو لكي لا يدعي أحد أن ما هو عليه هو الإسلام وهو مخالف للإسلام فكل الفرق التي تدعي أو فكل الفرق تدعي كل واحدة منها أنها على الإسلام وأن غيرها ليس هو على الإسلام ولو تركنا الأمر لهؤلاء لهلكت الأمة ولكن من فضل الله سبحانه أن جعل الإسلام واضحا بينا فليس الإسلام بالدعوة والانتماء والانتساب ولكن المسلم من تمسك بالإسلام الحقيقي فلا بد أن تعرف الإسلام مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا من غيرهما. Donc le cheikh il commence par expliquer, donc comme je disais, le titre Bab Tafsir l'Islam, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'explication de qu'est-ce que c'est l'Islam. Et il a mentionné dans les chapitres précédents, il a mentionné des choses pour inciter les gens à l'islam, pour inciter les gens à entrer dans l'islam, pour inciter les gens à s'accrocher à l'islam. Hein. Et maintenant, il veut expliquer qu'est-ce que c'est cette religion-là, c'est quoi l'islam. Hein. C'est bien beau de dire aux gens « accepte l'islam » ou « deviens musulman » ou « entre dans la religion de l'islam », mais si tu leur expliques pas qu'est-ce que c'est l'islam, alors comment ils vont faire pour entrer dans l'islam? C'est impossible. Et non seulement c'est impossible pour quelqu'un de rentrer dans l'islam s'il ne sait pas c'est quoi, mais comment il va être capable aussi, par la suite, de distinguer entre ce qui est réellement dans l'islam, ce qui fait réellement partie de l'islam, et ce qui n'en fait pas partie de ce que certains ont inventé, ou rajouté, ou enlevé dans les principes, dans les enseignements de l'islam, qui ont fait que par la suite, des sectes sont apparues, ou des groupes, ou des divisions sont apparues parmi les gens qui se disent musulmans. Donc, c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit maintenant, c'est bien beau d'avoir expliqué tout ça et d'avoir montré toutes les choses qui nous incitent à être musulmans et à entrer dans l'islam et à rester dans l'islam. Mais maintenant, c'est pas suffisant juste de glorifier et de faire des éloges de l'islam. Il faut expliquer également qu'est-ce que c'est. Parce que sinon, le but n'est pas atteint. Donc il faut expliquer qu'est-ce que c'est cette religion-là. Pour pas que quelqu'un prétende que ce qu'il est en train de suivre, c'est l'islam, alors qu'il contredit l'islam. Il dit parce que toutes les sectes aujourd'hui qui se disent être musulmanes ou appartenir à l'islam, hein, chacune d'entre elles dit que ce qu'elle suit, c'est ça l'islam. Hein, chacun. Et donc aujourd'hui, on a tous à faire face à ça. Et c'est important pour nous en tant que musulmans, et c'est important également pour ceux qui ne sont pas musulmans, de leur clarifier justement cette chose-là, pour qu'ils puissent faire par eux-mêmes par la suite la distinction. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent musulmans et qui font des choses au nom de l'islam. On a besoin de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces choses-là sont des choses qui font partie de l'islam ou non? Par exemple, vous avez aujourd'hui des gens qui mettent des bombes, hein, dans certains endroits et qui font sauter des bombes sur eux-mêmes, hein. Ils font des attentats terroristes ou bien ils font des attentats suicides, hein, ou des attentats kamikazes comme ils appellent ça. Et ils disent que ce qu'ils font, ça c'est l'islam. Et ils prétendent que ça fait partie de ce qu'ils appellent le djihad, c'est-à-dire. Donc, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça fait partie de l'islam? Est-ce que ça c'est des choses qui sont islamiques ou non? Hein? Donc, c'est bien beau de se dire musulman puis de dire qu'on appartient à l'islam, mais c'est pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, parce qu'on est musulman que ça devient islamique. Il faut faire la distinction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ce qui est réellement écrit dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc maintenant, nous, c'est ça ce qu'on explique et c'est ça ce qu'on fait. Maintenant, le chef, c'est ce qu'il résume. Il dit que si tu veux savoir si quelque chose fait partie de l'islam, ou si tu veux savoir si quelque chose fait partie de la religion de l'islam, tu dois vérifier dans le Coran pour voir est-ce que c'est là, et tu dois vérifier dans la Sunna, est-ce que ça fait partie de la Sunna. Si ça ne fait pas partie ni du Coran ni de la Sunna, alors tu dois le rejeter et dire que ça ne fait pas partie de l'islam. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que ceux qui prétendent que les attentats terroristes, que les attentats suicides, ou les attentats kamikazes, que ces choses-là, ils disent que ça fait partie de l'islam, nous on leur dit vous avez menti sur l'islam. Parce qu'il n'y a rien dans le Coran, il n'y a rien dans la Sunna qui nous appelle ou qui nous indique ou qui nous incite à faire ce genre de choses. Hein? Et même si dans l'islam il y a qu'est-ce qu'on appelle le djihad fi sabilillah et la lutte et le combat pour la vérité, mais d'interpréter ça comme étant de mettre des bombes, de faire des attentats terroristes, ça n'a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre. Parce que l'un c'est le désordre, c'est la destruction, c'est le meurtre, et l'autre c'est au contraire un combat et une lutte qui est organisée avec un dirigeant, avec une armée, avec des règles et des lois et des droits et des obligations et des respects, hein, de certaines limites et de certaines consignes, etc. etc. Donc, hein. Donc on doit comparer entre les deux. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on donne cet exemple-là. Il y a plein d'autres exemples aussi. Des gens qui se disent musulmans et tu les vois par exemple qui se frappent la tête avec des couteaux, avec des épées, qui marchent dans la rue, ensanglantés, et ils disent que ce qu'ils font, ça c'est l'islam. Est-ce que ça fait partie de l'islam? Non, ça fait pas partie de l'islam, puisque c'est ce qu'ils font, c'est des choses qui ont été interdites par l'islam. Et en plus de ça, c'est des choses qui n'ont jamais été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rajouté. Il y a des gens qui se disent musulmans, quand tu vas les voir, tu vas où ils se réunissent, ils font des chants, ils font des danses, à l'intérieur de leur mosquée, ou de leur soi-disant mosquée, wa alaykum salam, rahmatullah. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, ils sont en train de suivre l'islam? Non. Puisque ce qu'ils font n'est pas supporté, n'est pas basé sur aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. La même chose avec des gens, par exemple, dans certains pays musulmans, tu les vois, ils se disent musulmans, ils adorent des tombes, ils prient à des morts, hein. Ou bien ils font de la sorcellerie ou de la magie, ils ont recours à des porte-bonheurs, à des talismans, à des amulettes, hein. Et ils font de la sorcellerie, toutes sortes de choses de ce genre. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, c'est en accord avec l'islam? Non, c'est parce que tout ce qu'ils font, au contraire, est interdit par l'islam. Donc ça, c'est des exemples pour faire comprendre que ce que certains vont faire, ils vont dire que ça c'est islamique, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, et donc c'est pour ça qu'il faut ramener pour chaque chose une preuve, dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose, il dit « moi je suis musulman », il fait quelque chose ou il dit quelque chose, tu as le droit de lui demander d'où est-ce que tu as la preuve pour faire ces choses-là. D'où est-ce que tu as trouvé la preuve pour dire cette chose-là, dans le Coran et dans la Sunna. Et il doit te ramener soit un hadith authentique ou bien un verset dans le Coran pour te prouver ce qu'il fait. S'il n'a pas de preuve, tu lui dis « je ne peux pas te suivre dans ce que tu fais. » Hein? Je ne peux pas te suivre dans ce que tu fais parce qu'il n'y a pas de preuve derrière. Donc le cheikh il dit, toutes les sectes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font, c'est ça. Elles disent qu'elles sont les seules à être les vrais musulmans, et que les autres musulmans qui ne sont pas avec eux ne sont pas les vrais. Et si on laissait les choses de cette manière-là, si on laissait toute personne prétendre ce qu'il veut à propos de l'islam et attribuer à l'islam ce qu'il veut, ou bien d'enlever de l'islam ce qu'il veut, puis qu'on laisse ça comme ça, alors la Ummah serait perdue. Hein? Mais c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a fait que l'islam soit une religion qui est claire. L'islam, c'est pas quelque chose qui est uniquement basé sur la prétention. Ah, viens de ce côté. Ah. Wa alaykoum salam. Vous êtes des jeunes vieux. Na'am. Na'am. Donc, l'islam, c'est pas juste quelque chose que tu vas dire avec ta bouche, je suis musulman, tu le prétends. C'est pas quelque chose que tu vas juste dire, tu prétends à être une simple appartenance. Tu dis, ah, je suis dans l'islam, je suis musulman. Tu dis ça avec la bouche. Non, c'est pas suffisant. Il faut que, pour être un vrai musulman, il faut que tu t'accroches à qu'est-ce qui est réellement dans l'islam, hein. Et pour ça, bien entendu, il faut que tu connaisses ce qui est venu dans le Coran et ce qui est ramené par dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas d'autres références ou d'autres sources en dehors de ça. La base, c'est le Coran et la Sunna. C'est pas juste de prétendre que tu appartiens à l'islam ou que tu fais partie des musulmans. Donc, ça c'est le premier point par rapport au titre. Et après, le cheikh il dit « wa qawlullahi ta'ala fa'in hajjuka » En fin de semaine, il y avait eu un reportage, non, en fin de semaine, durant la semaine, il y a eu un reportage en France par rapport à l'islam. Ouais, c'est ça, c'est TF1, par rapport aux salafis. C'est un journaliste qui a fait ce reportage-là. En tout cas, j'ai des commentaires à faire sur ça. Peut-être, Inch'Allah, je vais prendre quelques moments durant la semaine pour faire quelque chose là-dessus, pour faire un petit commentaire à ce sujet-là. Mais c'est juste pour dire, comme par exemple, des fois, on explique aux gens l'islam, mais on se concentre pas sur les fondements. Qu'est-ce que c'est l'islam? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous distingue, nous, musulmans, des non-musulmans? Et on sait que la base à ce sujet-là, c'est le tawhid. Donc, tu peux pas parler de salafia ou d'islam sans commencer justement par clarifier qu'est-ce que c'est la réalité du tawhid. Comme le tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, et en particulier tawhid al-uluhiyya, et après tawhid al-asma al-sifat. Puis ensuite de ça, si tu vas parler aux gens de la salafiyya en tant que da'wah, en tant que manhaj, et que tu veux expliquer aux musulmans ou aux non-musulmans la distinction entre la salafiyya et les autres groupes, les sectes qui existent, eh bien il faut te concentrer sur les points qui sont fondamentaux dans cette da'wah et dans ce manhaj. C'est-à-dire les points, les fondements qui font qu'il y a une distinction entre celui qui est salafi et celui qui ne l'est pas. En d'autres mots, qu'est-ce qui fait, c'est quoi les points ou les principes ou les fondements qui fait que quelqu'un est salafi et que s'il ne les respecte plus ou il ne respecte pas, il ne sera pas considéré comme étant un salafi. C'est quoi ces fondements-là? Et se concentrer à expliquer ça. Non pas de parler ou de discuter uniquement sur des questions qui sont importantes, mais qui ne sont pas fondamentales dans la question elle-même. Comme par exemple, est-ce que par exemple, le fait que des salafis par exemple portent la barbe, ça c'est sûr que ça fait partie des obligations pour un musulman dans l'islam. Et que de laisser pousser sa barbe, c'est pas quelque chose qui est recommandé, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tous les musulmans. Pas seulement pour les chouyours, pas seulement pour les imams, pas seulement pour les savants, pas pour tous les musulmans en général. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, en tant que musulmans, on a le devoir et l'obligation de suivre tous les exemples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Mais si quelqu'un a rasé sa barbe, est-ce qu'il sort de la salafia? Celui qui sort de la salafia, c'est le mubtadi'. Et de raser sa barbe, est-ce que c'est une bid'a? Si tu le fais par, et que tu es conscient que c'est un péché, c'est pas une innovation. Si tu le fais religieusement en croyant qu'il y a une récompense, de raser sa barbe, là ça devient une innovation. Parce que tu as rajouté dans la religion qu'est-ce qui ne faisait pas partie de la religion. Mais si tu le fais et que tu es conscient que c'est interdit, c'est un péché et c'est pas une innovation. Et donc tu n'es pas sorti de la salafia. Tu n'as qu'à te repentir et à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché-là. Hein? La même chose pour le fait que les salafis insistent beaucoup sur le fait de laisser les pantalons pour les hommes au-dessus de la cheville. Hein? Ça, c'est une obligation basée sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ma asfal al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar. Qu'est-ce qui est en bas de la cheville du vêtement que tu portes, c'est dans le feu. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est clair. Et donc, c'est une obligation de laisser, de ne pas laisser dépasser nos vêtements en bas de la cheville. Mais est-ce que si un musulman laisse son pantalon ou son vêtement dépasser la cheville, est-ce que ça c'est considéré comme étant une bid'a? Non. Et est-ce que s'il le fait tout en sachant que c'est un péché, il sort de la salafia? Non. Donc, c'est pas ça le point qui va distinguer entre un salafi et un non-salafi. Le salafi, en principe, en général, c'est quelqu'un qui s'accroche à la sunna et qui s'écarte de la bid'a et qui essaie de respecter le plus possible, selon sa capacité, tous les ordres d'Allah et qui s'éloigne de tout ce qu'Allah a interdit. Et ça, c'est obligatoire à tous les musulmans. Mais quand est-ce que tu dis de quelqu'un qu'il est plus salafi? C'est quand il a contredit la sunna, dans le sens qu'il a ramené dans la religion de l'islam des innovations, des bid'a, soit dans la croyance ou soit dans la pratique. Comme par exemple la bid'a des Khawarij, ceux qui font le takfir des musulmans pour un grand péché qu'ils commettent, ou qui déclarent les dirigeants kuffar, ou bien qui déclarent qu'il faut renverser ou sortir contre les dirigeants avec les armes. Ça, ça fait partie de la voie des Khawarij. Ou bien ceux qui critiquent ou qui insulte les dirigeants. Ça, ça fait partie de la secte des Khawarij. Et ça, c'est une bid'a. Si quelqu'un le fait, même s'il a la barbe, même si ses pantalons sont en haut de la cheville, même si une femme, elle porte le niqab, et le djilbab, et le sitar et tout, mais qu'elle a cette bid'a, elle n'est pas salafia. Hein? Donc quand il y a eu le débat entre l'imam Abu Islam et les autres qui étaient là présents, l'orientaliste et la femme, soi-disant, et qu'ils lui ont posé la question, et qu'il a mentionné Aïd al-Qarni, et qu'il lui a dit qu'il n'est pas salafi. Après, l'orientaliste, il a dit, ouais, c'est ça les problèmes, il y a des problèmes entre salafis eux-mêmes, il y en a qui disent un tel est salafi, d'autres qui disent qu'un tel n'est pas salafi. Est-ce que c'est comme ça? On décide comme ça, pile ou face, si quelqu'un est salafi ou non? On lance une pièce en l'air, si c'est face, t'es salafi, si c'est pile, t'es pas salafi? Non. Il y a des fondements, il y a des règles, il y a des principes à respecter et à comprendre. Et donc, si quelqu'un a commis une innovation ou une bid'a et qu'on lui a mentionné ça, c'est pas quelque chose qu'il a fait par erreur, ou s'est trompé, ou il a été ignorant. C'est quelque chose qu'on lui a montré les erreurs, on lui a montré les preuves, et on lui a donné la nasiha, il refuse de revenir, il a continué dans cette voie-là, il n'écoute personne. continue là-dedans. Là, les ulama disent, dans ce cas-là, cette personne, c'est une personne qui suit sa passion. Et donc, c'est un mubtadi', un innovateur. Et donc, il n'est pas considéré comme étant un salafi à partir de ce moment-là. Ça, c'est un exemple. Et ça peut être dans d'autres questions aussi. Ça peut être dans les questions, par exemple, qui ont rapport avec l'iman. Quelqu'un, tu lui dis, « Akhi, fais la salat » ou bien, « Akhi, tu dois, par exemple, éviter de dire des mensonges ou de dire des bêtises, des mauvais mots. » La personne dit, « La foi, c'est dans le cœur. » Je lui dis, « Oui, mais il y a un lien entre les actions et la foi. » C'est-à-dire, les actions eux-mêmes font partie de la foi. Donc, si tu dis que tu as la foi, que tu contredis la foi par tes actions et par tes paroles, donc c'est la preuve que ta foi, elle n'est pas forte. Hein? Ou même des fois, c'est la preuve parfois, selon certaines paroles, ça peut même aller jusqu'à annuler complètement ta foi. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est pas juste un péché, c'est une innovation. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui adore Allah par la chanson et la musique, ça c'est des innovations. Quelqu'un qui croit en Wahdatul Wujud, ça c'est des innovations. Quelqu'un, par exemple, qui croit en les attentats terroristes et les kamikazes, c'est des innovations. Quelqu'un qui croit en la démocratie comme étant un moyen d'établir l'islam, hein, et des choses de ce genre, ça c'est des innovations. Quelqu'un qui croit qu'on a le droit de célébrer la Mawlid al-Nabawi, la naissance du prophète, ça c'est des innovations. Hein. Les gens qui mettent leur raison devant la révélation, hein, comme les Mu'tazila, ou qui nient les attributs d'Allah, ça c'est des innovations. Donc toutes ces questions-là sont des questions qui sont des points fondamentaux sur lesquels on doit se concentrer quand on veut expliquer aux gens la différence entre la salafia et qu'est-ce qui n'est pas salafia. Et avant tout, le tawhid. Parce que c'est la base. Donc, c'est ça qui nous distingue. Par exemple, il y a des musulmans qui se disent musulmans, qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ils vont adorer des tombes et des morts. Ceux-là ne sont pas salafis. Ce qu'ils font, c'est bid'a et c'est shirk en plus. Hein? Construire des dômes sur les tombes, et des mausolées, des choses de ce genre. Ces gens-là, ils se disent musulmans, mais ils font des innovations dans l'islam et ils font du shirk aussi. En adorant ces tombes, en égorgeant des animaux pour eux. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu te concentres lorsque tu expliques aux gens la salafia. Lorsque tu expliques aux gens qu'est-ce que c'est être un musulman qui est parmi les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et non pas des éléments sur lesquels les gens aiment parler ou distinguer, faire des distinctions et des choses comme ça. Parce qu'il y a des koufars qui vont respecter certaines règles islamiques. Il y a même des gens de bid'a qui vont respecter certaines règles islamiques. Mais c'est pas ça le fondamental. Le fondamental, c'est de respecter le tawhid et d'être d'accord, d'accepter la sunnah dans les fondements. Et après, le reste, tu dois l'appliquer aussi. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que le reste sera accepté. C'est la base. D'accord? Donc aujourd'hui, tu vas aller voir, et ça c'est important de le comprendre, quelqu'un, par exemple, qui est chrétien, hein, il prie, il jeûne, il vole pas, il ment pas, il tue pas, hein, il va à l'église, il aide les pauvres, hein, il fait des actes de charité, hein, il fait même du bénévolat, il va aider une cause, hein, toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte? Hein? Parce que tu vas voir que tout ça, c'est des actions de bien que l'islam nous encourage de faire. De ne pas mentir, de ne pas parler dans le dos, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas tuer, d'être honnête, d'être sérieux, d'être sincère. Hein? Tout ça, c'est des choses, toutes les religions sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas une religion qui va te dire, par exemple, vol. Ou bien une religion qui va te dire il faut tricher, ou il faut mentir, ou il faut tuer. Donc si tu veux distinguer entre la vérité et le faux entre les religions, c'est pas de regarder ces choses-là seulement, ça c'est important, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, puisque tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de regarder les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et de se concentrer justement à connaître la vérité dans ces points-là, le contraire de ce que certains aujourd'hui sont en train de nous dire. Eux, ils nous disent, on se concentre sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on n'en parle pas, on les laisse de côté. On s'excuse. Et ça, c'est ridicule, parce qu'en faisant ça, on s'écarte de qu'est-ce qu'on doit faire fondamentalement, c'est-à-dire de comprendre les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord pour arriver à s'entendre dessus, sur la vérité, pour savoir qu'est-ce qui est vrai et faux. Donc, si on retourne au fondement, le chrétien, quand il prie, il dit « moi je crois à Dieu, je crois à un Dieu unique ». Mais quand il prie à Jésus. Ou bien il demande à Dieu au nom de Jésus. Ou bien il se met à genoux devant une croix. Ou il se met à genoux devant une image ou une statue d'un saint ou de quelqu'un qui est une représentation d'un homme pieux. Et puis il lui demande. Ça c'est un fondement. Pour nous les musulmans, celui qui fait ça, il est considéré comme étant un idolâtre. Et son adoration n'est pas acceptée, n'est pas valable. Hein? Donc, on doit savoir la vérité sur cette question-là. Parce que nous, on dit, ça c'est de l'idolâtrie, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et eux, ils disent, non, si tu fais pas ça, c'est là que tu es kafir. Si tu fais pas de shirk, si tu n'adores pas Jésus, tu n'es pas un croyant. C'est qui a raison entre les deux? Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? C'est pas possible, puisque les deux se contredisent. Il faut qu'il y en ait un qui soit vrai, il faut qu'il y en ait l'autre qui soit faux, absolument. Il ne peut pas y avoir de chemin, de terrain d'entente entre ces deux-là. Donc, la vérité, pour la trouver, hein, c'est de retourner à la révélation et de retourner aussi à la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, qui confirme qu'est-ce qui est dans la révélation aussi. À ce sujet-là, du fait qu'il y a un seul maître, un seul Dieu, un seul créateur. Donc si tu es d'accord là-dessus, alors comment tu vas adorer d'autres avec lui, ou que tu vas associer d'autres avec lui, ou que tu vas prendre des intercesseurs et des intermédiaires entre toi et lui. Ça, c'est un exemple de fondement. Et ça, tu peux le faire avec toutes les autres tendances ou voies ou croyances, etc. Hein? Donc ça, c'était important de le faire comprendre. Et donc, c'est pas comme certains, justement, il y en a beaucoup de points à renoter par rapport à ce que le cheikh a dit, que l'islam, c'est pas juste de dire, hein, l'islam, c'est qu'est-ce que... Parce qu'il y en a, quand ils parlent, ils disent ça, ils disent, l'islam, pour moi, c'est ça. Selon moi, l'islam, selon ce que j'ai connu, l'islam que j'ai connu, ou mon islam à moi, c'est ça. Mais il y a un seul islam, et l'islam c'est quoi? C'est ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la Sunna. L'islam c'est pas ce que tu as connu toi, dans ta famille, dans ton pays, dans ton village, qu'est-ce que ta grand-mère t'a enseigné de l'islam, qu'est-ce que tu as connu, non. Peut-être que ce qu'ils t'ont enseigné, ou ce qu'ils t'ont dit, ou ce qu'ils t'ont montré, c'était une déformation de l'islam. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour savoir si ça fait partie de l'islam? C'est de retourner à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, savoir est-ce que ce que lui faisait, ça fait partie de l'islam? Est-ce que ça, c'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Est-ce que c'est ça qu'il nous a montré? Oui ou non? Pour les chrétiens, pour les juifs, ces choses-là, c'est très compliqué. Mais pour nous, les musulmans, c'est très facile, parce qu'on a le Coran, on a la Sunna, tout est clarifié. Mais un chrétien, par exemple, tu lui demandes, est-ce que la religion que tu pratiques aujourd'hui, est-ce que tu la retrouves telle qu'elle dans ton livre que tu prends comme référence? Dans ton livre que tu prétends être une révélation, est-ce que tu trouves cette religion-là telle qu'elle dedans? Et c'est impossible qu'il réponde à l'affirmative. Parce que la majorité de ce qu'ils pratiquent, ou de ce qu'ils croient, ou de ce qu'ils disent, ils ne se retrouvent pas dans les enseignements authentiques de leur religion. Même la plupart de leur religion est basée sur des textes qui ont été falsifiés avec le temps, ou changés. Ou on a rajouté, ou on a enlevé dedans. C'est pour ça que pour eux c'est difficile de comprendre ces choses-là, et pourquoi ils sont confus. Et parmi les musulmans, aujourd'hui, il y en a qui sont aussi confus, même parfois plus confus que les juifs et les chrétiens à propos de la religion, à cause de leur ignorance des textes de l'islam. Donc si un musulman, il ne lit pas le Coran, il ne l'étudie pas, il ne lit pas les hadiths, il ne l'étudie pas, il ne peut pas comprendre l'islam. C'est impossible. S'il comprend quelque chose de l'islam, c'est parce qu'il se base sur ce que d'autres lui ont raconté. Mais en ce qui lui concerne lui, il n'a jamais, il n'a pas de base solide. Parce qu'il n'a pas lu ça de lui-même, il n'a pas compris ça de lui-même. Il n'a pas fait des efforts pour comprendre et pour apprendre. Donc son islam, elle n'est pas solide. N'importe qui va lui dire n'importe quoi, il va être confus et mélangé par la suite. Il y a des musulmans, ils n'ont jamais lu le Coran. Et encore moins les hadiths. Donc c'est important qu'ils étudient et qu'ils comprennent. Et que ces musulmans fassent des recherches pour comprendre leur religion, pour pas devenir comme les juifs et les chrétiens et tomber dans l'égarement. Le cheikh dit « Wa qawlullahi ta'ala fa'in hadduka » al-aya, « Ay al-Nasara » « Wa hada fihi bayanun li ma'na l'islam » أنه إسلام الوجه لله وإخلاص النية لله سبحانه والبراءة من الشرك أما من عنده شيء من الشرك كدعوة الأموات والقبور ويقول أنا مسلم فهذا ليس بمسلم لأنه ما أسلم وجهه بل أسلم وجهه لأنه ما أسلم وجهه لله بل أسلم وجهه لغير الله يدعو غير الله يسبح لغير الله ينظر لغير الله بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فقوله أسلم وجهه هذا التوحيد وقوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق الإسلام فالإسلام هو الإخلاص لله وَالْمُتَابَعَةُ لِلْرَسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc le Cheikh il dit que quand le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a dit si ils veulent discuter avec toi, c'est-à-dire si les juifs et les chrétiens ils veulent argumenter avec toi, alors tu dois leur expliquer, hein, tu leur dis j'ai soumis mon visage à Allah, lui salut à Allah seul. Je soumets mon visage à Allah seul, c'est-à-dire je me suis converti à l'islam pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi que ceux qui m'ont suivi. Donc tu leur expliques l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? C'est de soumettre notre visage à Allah seul et de purifier et de rendre notre intention purement pour lui et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'islam. Ok? Amma man indahu shay'un min ash-shirk. En ce qui concerne la personne qui dit je suis musulman, mais qu'elle a en elle des formes de shirk dans la croyance ou dans la pratique, alors, comme par exemple quelqu'un qui dit qu'il est musulman, mais qu'il invoque les morts, quand il a des malheurs ou des détresses ou des problèmes ou quoi, il a besoin de quelque chose. Il demande à qui? Il demande à quelqu'un qui est enterré, qui est mort dans sa tombe. Hein? Il prie les tombes. Et il dit, je suis musulman. Le cheikh, il dit, celui-là, il n'est pas musulman. Même s'il dit qu'il est musulman. Musulman, c'est pas juste dire quelque chose avec la langue. Hein? Si tu dis que tu es musulman, tu dois respecter les fondements et les règles de l'islam, hein? Dans la croyance et dans la pratique. Tu ne peux pas dire je suis musulman, après tu fais le contraire de ce que signifie l'islam. Donc, la personne, le cheikh dit, elle n'est pas musulmane cette personne-là qui adore autre que Allah. Parce qu'elle n'a pas soumis son visage à Allah seul. Même qu'au contraire, elle a soumis son visage à autre que à Allah. Et elle a invoqué d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il sacrifie, hein, des animaux pour autre que Allah, ou bien il fait des vœux pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a contredit l'islam. Et il mentionne le cheikh le verset 112 dans Surat al-Baqarah. Le verset à la base qu'on a commencé à expliquer c'était le verset 20 dans Surat al-Imran. Il y a le verset 112 dans Surat al-Baqarah dans lequel Allah il dit certes celui qui a soumis son visage à Allah tout en étant muhsin, c'est-à-dire il a suivi, il a soumis son visage, c'est-à-dire il a été sur le tawhid, hein, sur l'unicité d'Allah dans son adoration, et il a été muhsin dans le sens qu'il a suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que d'être un muhsin, de faire le bien, ça implique que tu suives le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que tu suives l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que l'islam est réalisé et respecté. C'est là que quelqu'un est réellement musulman. Donc l'islam c'est quoi? C'est basé sur deux fondements. Le premier, c'est de purifier notre adoration, notre intention pour Allah seul. Deuxièmement, c'est de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on était assis, il y a peut-être un jour ou deux, on était assis, on prenait un café, moi puis un frère, puis il y a un kafir qui était là, je ne sais pas s'il était juif ou chrétien, mais c'est pas grave, il est venu et il nous a posé des questions sur l'islam. Il voulait savoir, parce qu'il faisait un cours sur, disons, sur les différentes religions ou je sais pas quoi, il voulait avoir quelques renseignements. Et donc, on a commencé à discuter un peu avec lui. Hein, il voulait savoir, est-ce que dans votre religion, vous avez la notion de prosélytisme, d'enseigner l'islam, de prêcher l'islam aux autres? Et je lui ai expliqué qu'effectivement, dans l'islam, on est obligé, en tant que musulman, de prêcher la foi, d'enseigner la foi aux autres, de partager la foi avec les autres, de leur faire connaître l'islam et de les inviter à entrer dans la religion d'Allah. Ça, c'est une obligation pour un musulman. Et il m'a dit oui, parce que comme ça, dans le christianisme, c'est comme ça, sauf que dans le judaïsme, c'est pas comme ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que dans l'islam, il y a des versets dans le Coran qui incitaient les musulmans à appeler les gens à la foi? Donc, je lui ai dit oui. Et il me demandait de quelle manière. Donc, je lui ai expliqué que fondamentalement, nous les musulmans, on doit appeler les gens au tawhid et à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et je lui ai demandé s'il avait quelques connaissances au sujet des piliers de l'islam. Et il m'a dit oui, je sais quels sont les cinq piliers. Je lui ai dit quel est le premier entre les piliers. Et il m'a dit en anglais, hein, I bear witness or I declare that there is no God but God. Comme Tariq Ramadan il traduit le shahada de cette manière erronée que beaucoup de gens répètent, hein, dans cette erreur-là, il y a beaucoup qui la font, ils disent il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu. Et ça c'est une traduction totalement fausse. Et c'est ça ce que j'ai expliqué à cet homme. Et j'en ai profité justement pour lui expliquer le tawhid en lui clarifiant la réelle signification du shahadatain. Parce que je lui ai dit, est-ce que si je dis à quelqu'un, si je vous dis il n'y a de Dieu ou il n'est de Dieu que Dieu, est-ce que ça pour vous, ça fait un sens? Est-ce que ça signifie quelque chose? Il n'est de Dieu que Dieu. Est-ce que en tant que juif ou chrétien, vous auriez un problème à dire cette phrase? Est-ce que vous auriez l'impression qu'en disant ça, il y a une contradiction avec votre foi ou avec votre croyance chrétienne? Hein? Ou si quelqu'un, hein? Je dis, tout le monde dit ça. Tous les chrétiens disent, il n'est de Dieu que Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien qui va dire, il y a un autre Dieu que Dieu? Ou un juif qui va dire, il y a un autre Dieu que Dieu? Il n'y a personne qui dit ça. Mais le problème est de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. La ilaha illallah, ça signifie pas il n'est de Dieu que Dieu. Ça signifie rien ne mérite d'être adoré excepté le vrai Dieu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, alors c'est pas Dieu. C'est pas Allah. Hein? C'est pas le vrai Dieu, il mérite pas d'être adoré. C'est ce que ça signifie. Donc je lui ai expliqué que pour devenir musulman, quelqu'un doit témoigner, il doit dire cette phrase-là. Il doit dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Dieu, excepté celui qui a tout créé le monde. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Maintenant, si quelqu'un adore Jésus, si quelqu'un adore Marie, si quelqu'un adore un prophète, si quelqu'un adore un saint, un ange, un arbre, un esprit, un djinn, un diable, une image, une croix, une statue, une pierre, le soleil, la lune, les anges, peu importe, en dehors d'Allah, son adoration est fausse. Et il n'est pas croyant. Il a rejeté la foi. Donc, quand je lui ai expliqué ça de cette manière, j'ai vu un sourire apparaître sur son visage, parce qu'il a compris qu'est-ce que ça signifie, la ilaha illallah. Là, il dit, ah, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça ce qu'il a dit. C'est beaucoup plus compliqué. J'ai dit, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. C'est-à-dire, peut-être au début, on a l'impression que c'est compliqué. Et quand on dit que Muhammad Rasulullah, ça ne veut pas dire qu'on dit Muhammad est le messager d'Allah, est-ce que c'est lui le seul messager et qu'il n'y en a pas d'autre? Comme les chrétiens essaient de le faire comprendre lorsqu'ils parlent de l'islam, ils disent Muhammad Rasulullah, ça c'est le témoignage dans le témoignage des musulmans, ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent, ça veut dire que c'est leur prophète, ils croient en lui seulement, pas aux autres. Ça c'est un mensonge, parce qu'un musulman, parmi les fondements de l'islam et de la foi, il doit obligatoirement croire en tous les messagers d'Allah, tous les prophètes d'Allah. Il doit croire depuis Adam, Moïse, hein, Abraham, Moïse, Noé, Jacob, Isaac, je ne le dis pas en ordre. C'est pas grave. Tous les messagers d'Allah qui ont été envoyés par Allah pour l'humanité, on doit croire en chacun d'entre eux. Pas seulement en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on dit qu'on croit en le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'on croit qu'il est le dernier des messagers, hein, et que celui parmi les autres qui prétendent croire en Dieu et croire en ses prophètes, qui refusent de croire en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'ils n'ont pas cru en lui, leur foi en les autres n'est pas valable. Ils doivent croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la même manière qu'ils doivent croire en les autres qui sont venus auparavant. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui, je suis musulman, mais je ne crois pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas musulman. Si quelqu'un dit, je suis musulman, et je rejette la foi en un autre prophète, autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham ou un autre, il n'est pas musulman. Parce que celui qui n'a pas cru, hein, en tous les messagers d'Allah, en tous les prophètes d'Allah, il n'est pas croyant. Et également, ça implique aussi de comprendre que Isa alayhi salam, Jésus, il n'est pas Dieu, il n'est pas non plus fils de Dieu. Et ça implique également qu'on ne croit pas en la Trinité, mais qu'on croit plutôt que Isa alayhi salam, c'est un prophète, un messager d'Allah, envoyé par Allah au peuple d'Israël, et on n'a pas le droit de l'adorer, et on n'a pas le droit de l'élever au-dessus de son niveau, c'est-à-dire c'est pas un Dieu, et on n'a pas le droit de l'adorer en dehors d'Allah. Il est créé d'une manière certes miraculeuse, mais ça ne fait pas de lui un être divin qui mérite d'être adoré. Donc ça c'est fondamental pour comprendre l'islam, ça c'est les deux fondements même de l'islam, la base, c'est tout l'islam est basé sur ça. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ensuite le cheikh il mentionne un hadith, c'est un hadith qui est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui fait partie parmi les hadiths les plus célèbres, qui sont parmi les fondements de l'islam. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Omar par l'imam al-Bukhari, ou par l'imam muslim pardon, qui dans le hadith, ça c'est dans le hadith de Jibril, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam consiste à témoigner ou à déclarer que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, et d'établir la salat et de donner la zakat et de jeûner le jeûne du Ramadan et de faire le hajj à la Mecque si tu en as la capacité et si tu as les moyens de le faire. Donc ça c'est les cinq choses sur lesquelles l'islam est établi. Ce sont les cinq piliers de l'islam. Al-arkan, al-islam, al-khamsa. Ils appellent les cinq piliers. D'accord? Donc le cheikh il dit, ذكر الشيخ, ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يفسر الإسلام يفسر فيه الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ليس معنى ذلك التلفظ فقط بل لا بل بالتلفظ بل باللفظ وبالنية وبالعمل. فلا بد من التلفظ بالشهادة ومن العلم بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. Donc le cheikh il dit que le cheikh il a mentionné ce hadith là qui est un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il y a l'explication de ce que signifie l'islam et que ça consiste à établir ou appliquer cinq piliers. Et le premier, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le cheikh il dit de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ce n'est pas uniquement de le prononcer, c'est-à-dire c'est pas juste de dire avec la langue la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, n'importe qui peut dire ça, même un enfant peut le dire, même un perroquet peut le dire, hein, et ça veut pas dire que ça va être valable. Le cheikh il dit pour que ça compte il faut qu'il y ait la prononciation avec l'intention et avec l'application, hein. Donc le cheikh il dit c'est pas suffisant juste de prononcer le shahada. Il faut premièrement connaître ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça signifie Muhammad Rasulullah? Hein? Qu'est-ce que ça signifie quand on dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah? Et qu'est-ce que ça signifie quand on dit que Muhammad est le messager d'Allah? Et ensuite, après qu'on a eu cette connaissance, il y a le fait d'agir et d'appliquer ce que ça implique. D'appliquer, de mettre en application ce que le témoignage implique pour que ce témoignage soit valable. C'est pas juste tu dis avec ta bouche la ilaha illallah, puis après tu fais le contraire. Tu vas adorer donc Allah. Tu dis la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Après tu rentres dans une église, tu adores Isa alayhi salam. Ça c'est pas valable. Hein? Si un chrétien il devient musulman aujourd'hui, et que demain il rentre à l'église, il va prier Jésus ou Marie ou Joseph, ça ne va pas être valable. Donc si on est capable de le comprendre quand on parle de ça, pourquoi quand on parle de certains aujourd'hui qui se disent musulmans dans les pays musulmans, qui disent la ilaha illallah, et que tout de suite après ils s'en vont devant une tombe pour prier un saint, ils ne sont pas capables de comprendre que ça c'est en contradiction avec le témoignage de la ilaha illallah? Tu dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, après tu vas voir le wali et tu vas lui demander des choses dans sa tombe, ou bien tu vas égorger un animal pour lui, hein, ou bien tu vas faire le tawaf autour de sa tombe et faire des vœux, hein, lui demander de te faire des vœux, d'exaucer tes vœux, des choses de ce genre. Ça c'est du shirk. Et quiconque commet du shirk, il a annulé son témoignage en la ilaha illallah. Il n'a pas respecté ça. La même chose pour celui qui dit Muhammad Rasulullah et puis qui a suivi autre que le messager d'Allah. Il a suivi autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui contredit l'islam. Hein? Et il prétend suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme quelqu'un par exemple, il dit moi je suis musulman, mais je suis Karl Marx dans son idéologie. ou je suis Jean-Paul Sartre dans sa philosophie, ou je suis Jean-Jacques Rousseau ou je sais pas qui d'autre, ou bien je suis tel Cheikh Naqshbandi ou Saharwardi ou bien Boutchichi ou bien Tijani ou bien je sais pas quel autre encore. Il met de côté le messager sallallahu alayhi wa sallam et il suit quelqu'un qui a inventé dans la religion d'Allah des choses qui n'en font pas partie et il dit qu'il est musulman. Il contredit l'islam. Il a mis la parole de quelqu'un parmi les hommes au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a annulé son témoignage, hein, Mohammed rasulallah. Hein? Et ça, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ça, malheureusement. Comme le cheikh il le dit. Donc, de dire la ilaha illallah, le cheikh il dit, فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك وشهادة أن محمدا رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة فلا يتبع غيره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما المنافقون فهم يشهدون أن محمدا رسول الله بألسنتهم ولكن يكفرون به في قلوبهم وأفعالهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة أيمانهم يعني الشهادة فسماها يمينا جنة أي سترة يتسترون بها وهم لا يؤمنون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وإن كانوا يتلفظون بذلك في ألسنتهم فدل على أن المطلوب ليس هو اللفظ فقط بل اللفظ والاعتقاد والعمل. Donc le cheikh il dit que le témoignage de la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il signifie? Quand tu dis la ilaha illallah en français, c'est rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que le mot ilah en arabe signifie al-ma'boud, hein, quelque chose qui est ma'boud, qui est adoré. Hein? Donc ilah c'est synonyme de ma'boud. Ok? Ou bien, comme les ulama, ils disent, « Ilah min al-ma'lour ». Et donc, ça veut dire celui qui est adoré, ou quelque chose qui est adoré. Et ça peut être n'importe quoi hein, qui est adoré en dehors d'Allah. Les hommes adorent n'importe quelle chose. Donc, là, on est en train de… Allah, il nous, le témoignage, c'est de dire, on témoigne qu'il n'y a rien d'entre ces choses-là qui sont adorées, qui méritent d'être adorées. « La ilaha illallah ». Et les ulama en arabe, ils le traduisent en disant « La ma'abouda bihaqqin illallah ». Il n'y a rien parmi les choses que les hommes adorent qui méritent réellement d'être adorées, excepté Allah. Pourquoi? Parce que Allah c'est le seul créateur, c'est le seul maître, c'est le seul pourvoyeur de subsistance, c'est le seul qui fait vivre et qui fait mourir, c'est le seul qui a créé tout, qui maître de tout. Donc, si tu adores quelque chose et qu'elle ne possède pas ses caractéristiques, alors elle ne mérite pas d'être adorée. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parfait, qui a toutes les attributs de perfection. Ça c'est son droit exclusif. L'adoration, il ne la partage avec personne. Et si quelqu'un offre à autre qu'à Allah une forme quelconque d'adoration, il sort de l'islam, il devient un mushrik. Il a associé dans un des droits d'Allah, ce que Allah ne partage pas avec personne, c'est-à-dire l'adoration. Hein? Donc c'est ça le shirk, et c'est ça l'ikhlas, et c'est ça la signification, c'est ça la différence entre le tawhid et le shirk, et entre l'ikhlas et le shirk. Et donc, la ilaha illallah, c'est l'ikhlas, hein, de purifier notre adoration pour Allah seul, et d'abandonner le shirk, d'abandonner le fait d'associer avec Allah, d'accord? Et le témoignage de Muhammad Rasulullah, ça signifie quoi? Ça signifie de suivre le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'abandonner tout ce qui a été inventé, ou tout ce qui a été fabriqué, ou toute innovation dans la religion. Donc, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple. Et on n'a pas le droit de suivre personne d'autre que lui dans la religion. On n'a pas le droit de suivre personne d'autre que lui dans la religion. Et il mentionne le verset 21 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a certes pour vous dans le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le messager d'Allah, un bon modèle, un bon exemple pour vous. Hein? Donc il y a une uswa, c'est-à-dire un bon modèle, un bon exemple à suivre pour vous. Uswatun hasana. Hein? Et c'est donc de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les gens qui disent qu'ils croient en le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le disent seulement avec leur langue et que dans leur cœur, ils ne croient pas en lui réellement, ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-munafiqoun. Al-munafiqoun, parce qu'ils font du nifaq. Le nifaq, c'est de montrer quelque chose et de cacher le contraire. C'est ça le nifaq. Tu montres quelque chose en apparence, dans ton cœur, tu caches le contraire. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le nifaq. Donc ils disent Muhammadur Rasulullah avec leur langue, mais dans leur cœur et par leurs actions, ils font le contraire de Muhammad Rasulullah et de l'islam. Donc, il mentionne le verset 1 et 2 dans Surat al-Munafiqun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils te viennent, hein, les munafiqun, les hypocrites, ils te viennent et ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que certes tu es son messager, mais Allah témoigne que les hypocrites, les munafiqun, sont des menteurs. Ils ont pris leur témoignage comme un bouclier, comme une protection. Hein. Ils se montrent musulmans et ils disent le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah uniquement pour se protéger. Alors qu'en réalité, au fond, ils ne croient pas réellement en l'islam. Hein. Et donc, ils se protègent ou ils se cachent derrière ce témoignage-là, mais ils n'y croient pas réellement dans leur cœur. Ils ne croient pas en ce témoignage. Ils ne croient pas en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans leur cœur. Ils ne font que le prononcer avec leur langue. Donc, qu'est-ce qui est demandé dans l'islam lorsque quelqu'un témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah? C'est pas seulement de le dire avec la langue, mais c'est également de le prononcer, d'y croire dans notre cœur et de l'appliquer dans nos actions. Parce que sinon, alors ça c'est comparable. Sinon, ce serait comparable à ce que prétendent les munafiqoun. Ce ne serait pas une foi réelle. Ensuite, le cheikh il dit « Wa tuqimu s-salah. As-salatu hiya ar-ruknu ath-thani min arkan al-islam, fal-ladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, walakin la yuqimu s-salah, bal huwa tarikun laha mu'tamidan. Donc le cheikh il dit que parmi les piliers de l'islam, le deuxième c'est, après le shahada, c'est de faire la salat, après avoir dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, le deuxième pilier c'est d'établir la salat. Donc si tu dis le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, mais que tu ne fais pas la salat après, tu ne fais pas tes 5 prières par jour, tu les abandonnes volontairement, alors il dit celui-là, il n'est pas musulman. Et il y a des preuves à ce sujet-là dans le Coran et dans les hadiths. Et les ulama, ils en parlent dans les livres de fiqh, hein, avec beaucoup de détails. Ils expliquent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un autre hadith, il dit, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc il y a cette position des ulama qui mentionne que celui qui abandonne la salat volontairement sans excuse, il est mécréant, il n'est pas un vrai musulman. Puis ensuite il y a des détails, puis il y a des divergences sur certaines questions, et ça maintenant c'est pas le but, on va pas rentrer là-dedans, mais l'important c'est juste de comprendre que une des choses qui fait la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est dans la salat. Le premier hadith, c'est ça, la différence entre l'homme, entre le shirk et le kufr, hein, c'est la salat. Donc, si, si quelqu'un par exemple dit oui je suis musulman mais je ne fais pas la salat, il n'y a pas vraiment de différence entre lui et celui qui n'est pas musulman. Le deuxième hadith c'est que le pacte ou l'entente qu'il y a entre nous et eux c'est la salat. Alors s'il l'abandonne, alors il a mécru. Ça c'est le deuxième hadith. Ensuite le cheikh dit « wa yu'ti al-zaka » كذلك لا بد مع الصلاة من أداء الزكاة لأن الزكاة فريضة قرينة الصلاة لأن الزكاة قرينة الصلاة فمن فرق بين الصلاة والزكاة أي أنه يصلي لكنه لا يؤدي الزكاة هذا أيضا ليس بمسلم فقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Donc, يعني la prière, on l'a expliqué, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la zakat. La zakat, c'est, يعني qu'est-ce qu'on traduit en français comme étant l'aumône, la charité, dans le sens que c'est une somme d'argent que le musulman qui est riche doit donner aux pauvres. Et ça, c'est une obligation pour le riche. Hein. Et c'est une somme spécifique due à un moment spécifique après une période spécifique sur un bien spécifique. Dans le sens que c'est pas n'importe quel montant, il y a un montant spécifique. Et ce montant-là, il est déterminé par, premièrement, yani, le fait que il doit avoir cet argent-là en sa possession plus qu'une année. Hein. Il faut que cet argent-là, elle ait atteint une somme minimale, c'est-à-dire à partir, on va dire, 2500 et plus. Donc à partir de 2500, ça devient obligatoire. Si tu l'as depuis plus qu'un an, tu dois payer le zakat dessus. Et après, que ça, si ça fait un an que tu l'as maintenant, tu vas payer la zakat, pas sur le total, c'est-à-dire tu ne vas pas donner 2500 au complet, tu vas donner de cette somme 2,5%. D'accord? Donc si tu as 2500, ça va être 2,5% de ce 2500-là, si tu l'as eu pour un an. Donc ça c'est la zakat, et c'est obligatoire de le donner aux pauvres. Ça c'est pour l'or. Et l'argent qu'on possède. Sinon, si quelqu'un, par exemple, c'est un cultivateur ou quelqu'un qui possède du bétail ou des choses de ce genre, et bien dans ce cas-là, il aura la zakat à payer sur son bétail. Puis aussi, s'il a un commerce, il doit payer la zakat sur la marchandise qu'il vend. Et s'il a, par exemple, comme il est agriculteur, il cultive des grains, ou du blé, ou des céréales, ou bien des fruits secs qui se conservent, il doit aussi payer de la zakat sur ça. D'accord? Donc ça c'est des exemples par rapport à la zakat, et le cheikh il dit que ça c'est un pilier de l'islam qui est toujours associé à la salat. Souvent dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la zakat toujours associé avec la salat, c'est-à-dire avec la prière. Ok? Et yani, celui qui, donc, c'est obligatoire de la donner ou de la payer lorsqu'on est riche. Si on est pauvre, on n'a rien à payer parce que c'est à nous qu'on donne la zakat. Mais si on est riche, là c'est obligatoire. Et le cheikh dit, celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat, c'est-à-dire il fait la salat mais il ne paye pas la zakat alors qu'il est riche, alors il n'est pas musulman. Le cheikh il dit il n'est pas musulman. Il dit la raison pourquoi il dit ça, c'est parce qu'il dit que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il a combattu ceux qui refusaient de payer la zakat. Et il a dit je vais combattre ceux qui ont fait une distinction entre la salat et la zakat. Bien entendu, les ulama ils font une distinction ici à ce sujet-là. Wa alaykoum salam. Les ulama ils distinguent ici. Ils disent celui qui est kafir, celui qui est mécréant, qui ne paye pas la zakat, c'est celui qui nie son obligation. Si quelqu'un n'a pas payé la zakat, mais il reconnaît son obligation, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Si c'est un individu, le chef de l'État, le président, va lui imposer de payer la zakat. S'il refuse, il va devoir la payer de force. Hein? Toutefois, si c'est un groupe de personnes qui se sont réunies ensemble et qui ont des armes et qui refusent de payer la zakat tous ensemble, là, ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils la payent. La même chose pour ceux qui refusent la salat. Si quelqu'un refuse la salat, un individu, hein, il doit être forcé de la faire par le chef de l'État ou ses représentants. Et si c'est un groupe de personnes qui sont ensemble, qui sont armées, qui ont une force et qui refusent de faire la salat, ils doivent être combattus dans ce cas jusqu'à ce qu'ils la fassent. Et ça, c'est des règles de l'islam qui sont très connues, célèbres, qui sont mentionnées dans tous les livres de fiqh. Hein. Et donc, si quelqu'un veut des détails là-dessus, il peut le retrouver. Ensuite, le cheikh il dit وتصوم رمضان تصوم رمضان هذا هو الركن الرابع وهو صيام شهر رمضان فالذي يترك الصيام يقول إنه ليس بلازم فهذا ليس بمسلم ليس بمسلم. Donc celui qui ensuite il y a le quatrième pilier, c'est le jeûne du Ramadan. Donc celui qui dit par exemple qui dit ça, c'est le jeûne du Ramadan, c'est je ne jeûne pas, c'est pas obligatoire. Celui-là, il n'est pas musulman. Donc, la majorité des ulama, quand ils parlent de ces questions-là, ils font la distinction. Quand ils parlent, par exemple, de la salat, de la zakat et du jeûne, et ils disent, celui qui nie son obligation, il est kafir. Parce que quiconque nie quoi que ce soit dans l'islam, il le sort de l'islam, s'il le nie après l'avoir connu. Toutefois, s'il le nie par ignorance, là, puis que c'est une personne qui est nouveau dans l'islam, ou bien qui habite loin de la ville, hein, dans un petit village où il n'a jamais entendu vraiment des enseignements clairs de l'islam, celui-là, il est excusé. Celui qui vit dans les grandes villes, dans les pays musulmans, il a accès aux livres, aux savants et tout, qui nie ces choses-là, ça, c'est pas, il ne sera pas excusé dans ce cas-là. Puisque lui, il est ignorant, mais c'est une ignorance volontaire. Hein, il n'a pas fait d'effort pour connaître. Donc, il ne peut pas prétendre réellement d'être ignorant là-dessus. Mais si quelqu'un, par exemple, donc, nie, donc s'il nie l'obligation, il est kafir. Mais s'il reconnaît l'obligation, mais il ne le sait pas, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Il est pécheur. Il est considéré comme un mauvais musulman et un pécheur. Et il doit être ordonné de revenir à l'application de ces principes-là. Donc ça, c'est important de comprendre. Après, il dit « وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ اسْتِطَاعًا لِلْحَجِّ وَلَمْ يَحُجْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمْ فَهَذَا يَكْفُرْ وَلِهَذَا قَالْ وَمَنْ يَكْفُرْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أَمَّا إِذَا اعْتَرَفَ بِوُجُوبِ الْحَجِّ ولكنه لم يحج تكاسلا فهذا يلزمه ولي الأمر بالحج. Le cheikh il dit donc, ensuite le cinquième pilier, c'est de faire le hajj à la Kaaba si tu es capable de le faire. Celui qui a les moyens et qui est capable de faire le hajj, alors c'est obligatoire pour lui de faire le hajj. Et s'il ne fait pas le hajj, il dit que c'est pas obligatoire, alors dans ce cas-là, il a mécru. Il a nié l'obligation, donc il a quitté la foi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 97, dans Surat Al-Imran, et quiconque mécroit, alors Allah est ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala se passe complètement de l'univers tout entier. Il est riche, hein, il se suffit à lui-même. En ce qui concerne celui qui reconnaît son obligation, connaît l'obligation du hajj, mais il n'a pas fait le hajj parce qu'il est paresseux, alors celui-là, il est obligatoire pour lui de le faire, et le dirigeant va lui forcer, peut le forcer à le faire. Le dirigeant musulman peut lui imposer ou le forcer à le faire dans ce cas-là. Donc, alhamdulillah, il y a des gens qui, aujourd'hui, parmi les musulmans, ils disent « Non, l'islam, c'est une religion, il n'y a pas de clergé, donc ça veut dire que chacun est libre avec sa conscience, peut faire ce qu'il veut. » Et d'un côté, c'est vrai qu'il n'y a pas de clergé, dans le sens qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de prêtre, de pape, hein, de hiérarchie, comme dans la religion catholique. Toutefois, il y a des savants, dans la religion musulmane, il y a des hommes de science qui sont spécialisés dans l'étude de la religion, et il y a également les chefs d'État. Les chefs de l'État dans l'islam, sont responsables de faire respecter et de faire appliquer la religion d'Allah. Donc, c'est pas des représentants religieux, mais ce sont des responsables sur le plan de l'ordre que Allah leur donne de faire respecter la loi d'Allah sur la terre. Et donc, dans l'islam, les dirigeants ont cette autorité-là, ils doivent ordonner le bien et interdire le mal, même par la force si c'est nécessaire dans la société, comme par exemple de faire respecter la loi. Hein? Et dans l'islam, la loi, c'est la loi d'Allah. Donc, comme dans les koufars, eux, dans leur pays, ils font respecter leurs lois, et ils ont des polices, ils ont des armées pour ça, et bien dans les pays musulmans, le devoir du dirigeant, c'est de faire respecter la loi d'Allah. Et bien entendu, il y a des policiers, il y a des soldats, et il y a d'autres personnes qui sont là, comme des juges, hein, des juges qui sont des spécialistes dans la charia, et qui vont être à la cour, et qui vont juger entre les hommes, selon la loi d'Allah, hein, dans les pays musulmans. Et donc, eux, s'ils voient des gens dans la société qui refusent d'appliquer et de respecter les ordres d'Allah, eux, c'est de leur devoir de faire en sorte que ces lois-là soient respectées et appliquées dans la société, dans les pays musulmans. D'accord? Donc, c'est pour ça que ceux qui disent « Ah non, chacun est libre, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, celui qui veut le faire, il le fait, celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas », ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas dans l'islam. Ceux qui ont dit ça, ils se basent sur quoi pour dire ça? Ils se basent sur le fait que les musulmans, pendant très longtemps, pendant des siècles, ils ont abandonné le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et de juger selon la loi d'Allah dans certains pays. Et à cause de ça, il y a des musulmans qui se basent sur le statu quo pour essayer de faire croire aux gens que l'islam, c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est pas le cas, c'est pas la réalité. Et la preuve de ça, c'est que dans le Coran et dans la Sunna, on voit le contraire de ce que ces gens-là prétendent, et dans les livres de fiqh, on voit aussi le contraire de ce que ces gens-là prétendent. Et donc ça, c'est pour expliquer et pour faire comprendre que si on laissait à tout le monde dans un pays musulman le droit et la liberté de pratiquer ou d'abandonner ce qu'il veut, il n'y aurait plus d'ordre dans la société. Et encore moins, il y aurait encore moins d'ordre dans la société du fait que c'est des principes de la religion. Donc si on commence à laisser aux gens le droit et la liberté de faire, de ne pas faire ce qu'ils veulent, selon leur passion, selon leur désir, eh bien, en peu de temps, comme c'est le cas actuellement malheureusement dans beaucoup de pays, eh bien, on voit que la société se dégrade, hein, petit à petit, puis par la suite, c'est le chaos total. Et c'est ça ce qui se passe maintenant, malheureusement. Si tu le fais, parce que des fois la personne, c'est pas parce qu'elle croit pas en l'islam qu'elle fait pas la salat. C'est parce qu'elle est paresseuse, elle se laisse aller. Donc ça, c'est pour lui donner un coup de main, en fait. On le force à faire qu'est-ce qui est bien. C'est ça. Donc si par exemple, quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, il y a une femme, par exemple, elle a la fitna en elle. Elle aime trop montrer son corps. Et peu importe qu'est-ce que tu lui dis, tu lui montres les preuves et tout, elle le fait quand même. Et elle sait que c'est mal. Elle dit, oui, je sais que c'est interdit dans l'islam. Mais j'ai pas la force dans ma foi assez grande pour arrêter de faire la fitna. Alors dans ce cas-là, c'est là que rentre en jeu le dirigeant dans un pays musulman qui va imposer à cette femme de respecter les règles d'Allah et qui va lui interdire de sortir de chez elle en exhibant son. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire par sincérité pour Allah? Peut-être que au début, non. Mais à la longue, on ne sait jamais, peut-être que son intention avec le temps va changer, puis que la personne va comprendre par la suite l'importance de quelque chose. C'est pour ça, c'est comme des enfants par exemple. Quand ils sont tout petits, tu leur enseignes la salat. Est-ce que tu penses qu'à chaque fois quand tu leur montres leur intention est sincère et qu'ils savent réellement la valeur de cette salat, pourquoi ils la font, ou quand tu leur enseignes le Coran, est-ce que tu penses qu'ils comprennent réellement le sens de ce qu'ils récitent et qu'ils vont connaître sa valeur? Non. Mais dans l'espoir qu'en établissant en eux cette base et en leur faisant apprendre ces gestes-là à l'enfance, que plus tard, quand ils vont grandir, ils vont développer leur connaissance et leur foi, et que par la suite, ils vont devenir croyants. Et il y a même des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme un homme qui mentionne qu'au début, il était devenu musulman parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait de l'argent aux gens, il faisait l'aumône et la charité. Il a dit, nous, on a accepté l'islam au début parce qu'on voulait des choses de la dunya. Puis, quand on a goûté à cet islam réellement par la suite et qu'on a connu sa valeur, là après, on a purifié notre intention et on est devenu musulman seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi la même chose avec la science. Il y en a qui mentionnent qu'ils ont commencé à étudier la science pour le prestige, pour l'honneur. Et qu'avec le temps, à force d'étudier cette science, ils ont développé en leur cœur un amour pour cette science et ils ont purifié leur intention et par la suite ils sont devenus sincères. Donc des fois c'est vrai que peut-être quelqu'un, il est forcé de faire quelque chose au début, il ne veut pas le faire de lui-même, mais qu'à long terme, à force de le faire justement, ça se développe en lui et qu'il change intérieurement par la suite. Donc un bien, des fois quelqu'un ne peut pas voir le bien de quelque chose tout de suite au début. Mais avec le temps, il le développe. C'est pour ça que l'islam, quand tu le lis dans les livres, c'est disons des enseignements que Allah nous a révélés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ça. Quand tu les lis, parfois tu en entends parler, ça te fait chaud au cœur et ça te fait du bien. Imagine si tu commences à les mettre en application et que tu vis selon ces principes-là. Plus tu vas les appliquer, plus tu vas découvrir et tu vas goûter des choses qui vont être plus fortes encore par rapport à ta foi. Des choses que tu ne connaissais pas auparavant. Dans le sens que cette religion-là, il faut la vivre pour la connaître. Il faut l'appliquer pour la connaître. Et si quelqu'un ne prie même pas, comment vous pensez qu'il va pouvoir savoir l'importance de faire la salat s'il ne prie pas? Sa foi, comment elle va faire pour se développer? Comment il va connaître son Créateur? Impossible. Donc il faut, même parfois, des fois, forcer ces gens-là pour les aider, justement, pour eux, pour leur bien. Parce que s'ils vont rencontrer Allah après au jour de la résurrection, ils n'ont pas prié, qu'est-ce qui va arriver avec eux? C'est ça le danger. Et donc, pardon? S'ils rencontrent Allah sans avoir fait la salat, comme c'est mentionné dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui rencontre Allah au jour de la résurrection, la première chose que Allah va regarder, c'est sa salat. Si elle est bonne, le reste sera bon. Si elle n'est pas bonne, le reste ne sera pas bon. Il y a des hadiths qui mentionnent que si ta prière est correcte, alors tu peux être en paix pour le reste. Mais si ta prière n'est pas correcte, non. Donc c'est-à-dire que la salat, c'est fondamental. Si tu vas rencontrer Allah sans ta salat, c'est catastrophique en fait. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et on va terminer le livre, le chapitre d'aujourd'hui avec un hadith qui est très intéressant. C'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Et il dit que le musulman, c'est-à-dire le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans seront en sécurité ou seront épargnés de sa main et de sa langue. Et les autres musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. Il ne va pas faire du mal aux autres avec sa main ou avec sa langue. Ça, c'est le vrai musulman. C'est ça la description. Donc, ça veut dire que le cheikh il explique. Il dit: Hey, ليس الإسلام مقصورا على هذه الأركان, بل هذه الأركان هي الأساسات. فالإسلام هو كل الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فكلها من الإسلام، ومنها ما يزول الإسلام بتركه، ومنها ما لا يزول الإسلام بتركه، وإنما ينقص، يعني منها ما يكمل الإسلام الكمال الواجب، ومنها ما يكمل الإسلام الكمال المستحب. فالواجبات من الطاعات تكمل الإسلام الكمال الواجب، والمستحبات تكمل الإسلام الكمال المستحب. ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإيمان. أما الذي يؤذي الناس بلسانه ويده لا نقول إنه كافر، ولكنه مسلم ناقص الإسلام. Donc le cheikh il dit ici, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans seront épargnés de sa langue et de sa main. C'est-à-dire que l'islam ne se limite pas seulement à ces piliers-là qu'on a mentionnés, les cinq piliers. Ça, c'est les bases. Hein? Mais l'islam, c'est toutes les ordres, toutes les obéissances qu'on fait, que Allah nous a ordonné de faire. Et tout ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de faire. Tout ça, c'est l'islam en entier. Donc, l'islam, c'est pas seulement les cinq piliers. Les cinq piliers, c'est la base. L'islam, c'est tout ce que Allah a ordonné et tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné en entier. Dans les détails comme dans les aspects généraux. D'accord? Donc, tous ces commandements-là, il y en a parmi ces commandements-là qui sont des obligations, et il y en a d'autres parmi ces commandements-là qui sont des recommandations. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de le faire. Donc, tout ça, ça fait partie de l'islam. Et donc, il y en a dans ces choses-là que si tu les laisses tomber, si tu ne les pratiques pas, tu vas en même temps abandonner l'islam elle-même, parce que c'est des bases de l'islam. Et il y en a des choses que si tu les abandonnes, tu ne vas pas abandonner l'islam lui-même, mais tu vas abandonner la perfection dans l'islam. C'est-à-dire, tu vas diminuer dans la valeur de ton islam. Mais ton islam reste, la base, elle reste dans ce sens-là. Donc il y a les bases et il y a les choses que tu perfectionnes dans ta foi. Hein? Donc le cheikh il dit, si tu complètes ton islam dans ce qui est des choses qui sont obligatoires, donc le cheikh il dit, il y a des choses que tu vas appliquer dans ton islam, ça va venir parfaire ce qui est obligatoire de parfaire. Et il y a d'autres choses que tu vas venir compléter dans ton islam, qui sont des choses que tu vas compléter, qui sont des choses recommandées. Donc les obligations viennent compléter et parfaire ton islam dans ce qui est obligatoire, et les choses qui sont recommandées, elles viennent compléter ton islam et parfaire ton islam dans ce qui est recommandé. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont en paix et sont épargnés dans sa langue et sa main. Le cheikh, il dit donc, celui qui offense les autres, qui se retient d'offenser les autres ou de faire du mal aux autres, avec sa langue et sa main, alors celui-là, il a parfait son islam, il a complété son islam. Son islam est complet, plus parfait. Celui qui fait du mal aux autres, qui fait du tort aux autres, qui offense les autres, alors celui-là, soit par sa main ou par sa langue, alors celui-là, on ne va pas dire de lui qu'il est kafir, mais on va dire de lui que son islam, il est défaillant, ou imparfait, ou incomplet. C'est ça ce qu'on va dire. Parce que il n'a pas complété son islam, il n'a pas parfait son islam. La base, elle est là, mais il manque quelque chose pour que son islam soit complet. Hein? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, il y a beaucoup de musulmans, parfois, ils ne comprennent pas ça. Ils voient un musulman qui fait des péchés, qui fait des choses qui ne sont pas correctes, mais qui ne sont pas des choses qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam, ils disent « Ah, lui, ce n'est pas un musulman. » Non, ça, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de l'islam parce qu'il a des péchés ou bien parce qu'il n'a pas appliqué toute chose qui est recommandée dans l'islam. Hein? Mais il y a des choses fondamentales que si quelqu'un ne les respecte pas, là, il sera en dehors de l'islam, même s'il pratique les autres choses, même s'il est correct dans les autres choses en apparence, dans la pratique. Donc ça, c'est important de le comprendre comme on l'a expliqué au tout début. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et, yani, Naam, j'ai entendu des choses comme ça aussi. Il y avait un des imams, yani, il a dit, à cause d'un péché, j'ai été privé de la douceur du Coran pendant 40 ans. Yani, à cause d'un péché que j'ai commis, j'ai été privé de pouvoir ressentir le plaisir ou la douceur du Coran pendant 40 ans. C'est un exemple, ça. Des choses comme ça. Donc c'est sûr que, il y en a parmi les salafs qui ont dit, yani, quand on fait un péché, on voit l'effet de ce péché-là dans nos épouses, dans nos enfants et même dans notre monture. Hein? C'est-à-dire, quand ils font un péché, ils commettent un péché, ils retrouvent dans ce qui est autour d'eux l'effet négatif de ce péché-là. Dans leurs femmes, dans leurs enfants et même dans leur monture, s'ils ont un cheval ou quelque chose comme ça, même des fois dans ta voiture, même. Tu penses que tes péchés n'ont pas d'effet, mais ça a des effets néfastes, même sur ça. Tu vois? Des fois, tu vois que ta famille à la maison, des réactions bizarres. Là, tu te dis, mais comment ça se fait? Des fois, c'est à cause de tes péchés. Hein? Tes enfants, ils ne t'écoutent pas. Tu leur dis, fais ça, fais pas ça et tout. Ils agissent bizarrement. Des fois, c'est à cause de tes péchés. Hein, ta voiture, tu sors, tu tournes la clé, tout d'un coup, ah, quelque chose qui ne marche plus. Ça, c'est des punitions pour tes péchés. Donc, c'est pour ça, ça, c'est des exemples. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est le premier commandement dans la Bible, c'est d'adorer un seul Dieu, et de ne rien adorer en dehors de lui, et de ne faire aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer de Dieu. Ça, c'est le premier des commandements, même dans la Bible des Juifs et des chrétiens, tel quel. Dans Lévitique et dans Deutéronome, tu retournes, tu vas trouver l'énumération des 10 commandements, et puis tu vois que c'est dit tel quel comme ça. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.